Je t'ai fait une lettre, tu l'as jetée au feu. Mes mots d'amour sont malheureux. J'ai repris mes sanglots, j'ai tout remis à Dieu. Il console les amoureux. Les amoureux. L'amour n'a qu'une loi, une règle du jeu. Pour s'aimer, il faut être deux. Ton ombre est avec moi, ton parfum est le feu. À mes souvenirs silencieux. Silencieux. Encore une fois, je voudrais te revoir. Encore une fois, te tenir dans mes bras. Raconter comment je vis sans toi. Encore une fois. Ton image est partout. Elle envahit mes rêves. Tu te déposes sur mes lèvres. Tu es comme l'oiseau qui joue avec le vent. On n'enchaîne pas les amants, les amants. Encore une fois, je voudrais te revoir. Encore une fois, te tenir dans mes bras. Raconter comment je vis sans toi. Encore une fois. Encore une fois. Je voudrais te revoir. Encore une fois. Te tenir dans mes bras. Raconter comment je vis sans toi. Encore une fois. Te reverrai-je un jour? Te croiserai-je encore? Notre amour est-il vraiment mort?